franceinter.fr. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud. Escroc au renseignement. C'est une expression que M. X a utilisée l'an dernier lorsqu'il nous a raconté l'histoire stupéfiante de Curveball, le nom de code d'un chimiste irakien qui a abusé les services secrets anglo-saxons avant la Deuxième Guerre du Golfe. Curveball, et c'est une sorte de coup de génie dans la mystification, a en effet inventé l'existence des laboratoires mobiles dont aurait disposé Saddam Hussein. Ainsi, on comprenait pourquoi les inspecteurs de l'ONU ne trouvaient nulle trace des ADM, les armes de destruction massive, dans les installations chimiques irakiennes. Il me faut quand même ajouter que les dirigeants américains et britanniques se sont laissés abuser avec une certaine complaisance, tant George Bush et Tony Blair avaient envie qu'on leur fournisse des arguments même douteux pour justifier leur attaque contre Saddam Hussein. Mais, selon M. X, et c'est le sujet de notre entretien de cette semaine, il y avait un deuxième escroc au renseignement. Un homme qui a aussi joué sa partition dans la manipulation qui a précédé l'invasion de l'Irak par les troupes de la coalition. Et c'est d'autant plus intéressant pour nous que ce personnage a aussi tenté d'y impliquer nos services secrets. Mais quand le poteau rose sera découvert, plusieurs mois après la chute de Saddam Hussein, l'affaire fera scandale. Et d'abord en Italie, la patrie de ce deuxième escroc au renseignement. Puis aux États-Unis, ou même la Maison-Blanche a été ébranlée. Avant de voir plus précisément qui était cet escroc, voyons quelles ont été les conséquences de cette mystification et quel en a été le déroulement. Fin septembre 2002, George Tenet, le patron de la CIA, remet à Bush un dossier ultra confidentiel qui contient deux informations de première importance qui vont littéralement enfiévrer le camp des néocons. Ouais, ce sont ces ultra conservateurs hein, qui veulent absolument en découdre avec Saddam Hussein. Et parmi eux, il y a le vice-président Dick Cheney. Et Bush lui-même hein, est très proche de ces gens. Naturellement. Ouais. Alors, ces informations, la première est celle-ci. Avant d'avoir pu être livré à l'Irak, une cargaison de tubes d'aluminium de haute résistance a été interceptée. D'après Tennet, ce matériel aurait été destiné à la construction de centrifugeuses. Ouais, pour enrichir l'uranium. Et ici, il me faut dire que certains experts ont émis l'opinion que la qualité de ces tubes était impropre à une telle utilisation. Oui, mais ils n'ont pas été écoutés, si je comprends bien. D'autant que Tennet a un autre atout dans sa manche. Deuxième information. Donc, entre 1999 et 2001, l'Irak aurait tenté de se procurer des centaines de tonnes d'oxyde d'uranium au Niger, ce qu'on appelle du « yellow cake ». C'est le premier produit de raffinage du minerai d'uranium, un concentré de couleur jaune contenant 75% d'uranium, mais qui doit subir plusieurs traitements chimiques pour devenir utilisable. Il peut être brûlé comme combustible par les réacteurs nucléaires. Mais pour fabriquer une bombe, il doit être enrichi. Et il en faut 5 tonnes. Et le Niger est effectivement l'un des premiers producteurs mondiaux de ce minerai. Hein. En effet. Conclusion, en rapprochant ces deux informations, Tennet et ses analystes en déduisent que les Irakiens ont réactivé leur programme nucléaire. À noter qu'au même moment, le gouvernement Blair fait état d'informations semblables. Oui, étant donné les liens existants entre Bush et Blair, ce n'est guère étonnant. À moins que ces renseignements ne viennent de sources différentes. En tout cas, ces révélations paraissent suffisamment sérieuses pour faire basculer Colin Powell, le secrétaire d'État américain, dans le camp des faucons. Et 2 jours plus tard, reçu à huis clos par la Commission des Affaires étrangères du Sénat, il affirme que ces récentes découvertes démontrent les intentions belliqueuses de l'Irak. Colin Powell, qui un peu plus tard tombera dans le piège des fausses informations délivrées par Curveball. C'est exact. Et ensuite, il ne cessera de le regretter. Quoi qu'il en soit, sa comparution devant la Haute Assemblée a dû être convaincante, car 15 jours plus tard, à la mi-octobre 2002, le Sénat vote à une écrasante majorité une résolution autorisant Bush à entrer en guerre contre l'Irak. Ensuite, on assiste forcément à une accélération. En décembre, pour la première fois, le département d'État publie un communiqué désignant le Niger comme fournisseur présumé de matières fissiles à l'Irak. Puis, fin janvier, dans son discours sur l'état de l'Union, le président Bush reprend l'accusation à la fois sur les tubes d'aluminium renforcés et sur l'uranium nigérien. Oui, il mentionne aussi les laboratoires mobiles servant à fabriquer les ADN. C'est exact. Ouais. Toutefois, à coup dur, 17 jours avant l'invasion de l'Irak par les forces de la coalition, la baudruche se dégonfle. Que se passe-t-il là ? Le directeur de l'AIEA, c'est-à-dire l'Agence internationale pour l'énergie atomique, affirme devant le Conseil de sécurité de l'ONU que les documents accusateurs ont été fabriqués de toutes pièces. Et ces documents, quoi précisément ? Une demi-douzaine de lettres échangées entre le Niger et l'Irak à l'en-tête du gouvernement nigérien. On y trouve des incohérences grossières. Par exemple, une lettre signée d'un ex-ministre des Affaires étrangères nigérien qui n'est plus en poste depuis 1989. Ou encore, une signature falsifiée du président nigérien. Des documents que, par ailleurs, l'AIEA a eu le plus grand mal à se procurer. Et pourquoi ? Parce que les Américains faisaient barrage. Ouais. En tout cas, conséquence là. Les néocons de la Maison-Blanche se sont nullement décidés à renoncer à leur plan d'invasion. Et puis, détail qui a dû compter, l'inspecteur de l'AIEA qui a mis en évidence la supercherie est un Français. Ah oui, or la France est hostile à l'intervention en Irak. Donc on met en doute le travail de cet expert. Et quelques jours plus tard, ce sera donc l'invasion de l'Irak. Il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Hein. C'est à peu près ça. Bush et les néocons voulaient leur guerre et ils l'ont eue. Alors maintenant, revenons un peu en arrière. Curieusement, étant donné la future position de la France en cette affaire, c'est dans notre pays que tout commence, en 2000. Un informateur prend contact avec le poste de la DGSE à Bruxelles. Il s'appelle Rocco Martino. Oui, la DGSE qui est, il faut le rappeler, notre service de renseignement extérieur. Et qui est ce Martino, là ? Cet Italien est un ex-carabinier. C'est aussi un ancien du service d'information de la défense. Puis, il a travaillé avec le SISMI, c'est-à-dire le service de renseignement militaire, jusqu'en 1999. La DGSE le connaît bien, car au cours de la décennie 90, il a participé à des réunions totem. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce sont des rencontres entre agents des services de renseignement au cours desquelles sont échangées des informations confidentielles. Il y a des réunions totem avec les Britanniques, les Américains, les Allemands, les Israéliens et donc les Italiens. Et en ce qui concerne ces derniers, c'est surtout sur l'ex-Yougoslavie qui nous ont donné des informations. Toutefois, les renseignements fournis par Martino étaient semble-t-il, un peu maigre. Bref, c'était pas un espion très performant. Si vous voulez. D'ailleurs, quand Martineau contacte la DGSE en 2000, il ne travaille plus pour le SISMI, mais pour son propre compte. Toutefois, il est évident qu'il a gardé des contacts avec son ancien service. Donc, on ne le met pas à la porte, c'est ça? Bien entendu. L'Italien peut être une source intéressante. Mais lors de ce premier rendez-vous, Martineau n'a rien à vendre. Il se signale, c'est tout. Et il en va tout autrement quelques mois plus tard, début 2001. Martineau révèle, document à l'appui, que les Irakiens ont cherché à se procurer au Niger des centaines de tonnes de yellow cake. Mmh. Question annexe, là. Il a demandé une rétribution? Bien évidemment. Alors, les agents de la DGSE ont payé, malgré leur méfiance. Leur méfiance? Alors, pourquoi, là, justement, sont-ils méfiants? Le Niger est un pays francophone, où les services ont gardé de nombreux informateurs. D'autant que c'est au Niger qu'Areva produit l'uranium qui alimente les centrales nucléaires françaises. Oui, par conséquent, la DGSE est bien placée pour savoir ce qui se passe là-bas. Et pour juger que les révélations de Martineau sont des tuyaux crevés et que ses documents sont des faux. Les ponts sont donc coupés avec Martineau, classé désormais dans la catégorie des escrocs aux renseignements. Mais l'Italien n'est pas décidé à renoncer. Que fait-il? Puisque les Français lui ont claqué la porte au nez, il s'adresse aux services britanniques, lesquels s'empressent de transmettre à leurs bons amis états-uniens. La CIA? Oui. Et c'est assez amusant. Les Américains se tournent vers le service étranger qui connaît le mieux le contexte nigérien. Je vois ce que vous voulez dire, la DGSE. Naturellement. Et à Paris, on a beau dire que l'on ne croit absolument pas à cette histoire de vente de yellow cake aux Irakiens, les Américains demandent quand même à la DGSE d'enquêter sur place. Au Niger, donc. Et les Français acceptent? Difficile de refuser de donner un coup de main à un allié. Par conséquent, en juin 2001, la DGSE organise une mission d'experts à Arlit, au Niger. Ça, c'est la mine d'uranium exploitée par Areva. Il fallait s'y attendre. Les agents français ne trouvent nulle trace d'une éventuelle vente d'uranium à l'Irak. Réaction de la CIA? Les Américains insistent, tant et si bien que la DGSE étend son enquête jusqu'en Namibie. Et là, non plus, les Français ne trouvent rien. Et l'affaire en reste là. Cependant, les attentats du 11 septembre 2001 vont changer la donne. Expliquez alors. Vous le savez, car nous en avons souvent parlé après être intervenus en Afghanistan. Les Américains rêvent d'envahir l'Irak. Pour les néo-conservateurs, c'est même une priorité. Avant même l'éventuelle capture de Ben Laden. Ben Laden qui vont même laisser s'échapper vers le Pakistan. C'est exact. Toutefois, pour réussir leur manœuvre en Irak, il leur faut trouver quelques justifications. D'abord, grâce à une véritable campagne de désinformation du gouvernement, 3 Américains sur 4 vont être persuadés que Saddam Hussein a commandité les attentats du 11 septembre. Ensuite, ils vont opportunément se rappeler les pseudo-révélations de Martineau. Un mot sur ces néoconservateurs états-uniens qui faisaient la loi à la Maison-Blanche du temps de George Bush Jr. J'emprunte ces quelques lignes à Alain Chouet, ancien haut responsable de la DGSE. L'équipe qui entourait Bush était composée de membres éminents du complexe militaro-industriel et du lobby des pétroliers texans. Dick Cheney était l'un des dirigeants de Halliburton et Frank Carlucci, ancien numéro 2 de la SCIA, l'un des patrons du fonds d'investissement Carlyle. Rove et Wolfowitz sont des néoconservateurs convaincus par les doctrines Kissinger, idéologues de l'instabilité constructive, pour tous ces conseillers de la Maison-Blanche. Une bonne guerre ne pouvait être que la bienvenue, surtout si, en plus du développement des crédits affectés à la défense, elle permettait d'accroître le contrôle américain sur les zones de production pétrolière et de protéger l'allié saoudien. Une opération ciblée et chirurgicale contre les terroristes, une politique générale de contre-terrorisme s'attaquant aux vraies racines de la violence, ne présentait aucune espèce d'intérêt à leurs yeux et aurait même pu se révéler contre-productive pour eux. Au cœur des services spéciaux, tel est le titre de l'ouvrage d'Alain Chouette, un livre d'entretien avec Jean Guinel. On va donc reparler de l'uranium nigérien. Oui, car pour les néocons, trouver ne serait-ce qu'une demi-confirmation permettrait d'accuser Saddam Hussein de poursuivre son programme nucléaire. Mais d'accord, mais les conclusions des services français sont quand même sans ambiguïté. Là, il s'agit d'une fable. Sans doute. Mais écoutez bien. Le SISMI, le service italien de renseignement militaire, aurait transmis une information capitale à la CIA. Le SISMI auquel a appartenu Martineau. Et c'est la preuve qu'il y a anguille sous roche. Mais je vous expliquerai pourquoi. En tout cas, selon deux journalistes du quotidien italien La Repubblica, fin octobre 2001, la CIA a reçu un rapport du SISMI signalant un épisode remontant à 1999, la visite officielle au Niger de l'ambassadeur irakien au Vatican. Mais une visite commerciale, c'est ça? Oui, c'est ce que laissent entendre les responsables du SISMI. L'ambassadeur serait venu acheter de l'uranium. Et c'est pain béni pour la Maison-Blanche. Mais plus question de faire confiance aux Français pour enquêter. Les Américains veulent juger par eux-mêmes. Donc ils vont envoyer à leur tour une mission au Niger. En effet. Et ils confient cette tâche à un éminent ambassadeur états-unien, Joe Wilson. Cet homme n'a pas été choisi au hasard. Non seulement il connaît bien l'Afrique, mais juste avant la première guerre du Golfe, il était le numéro 2 de l'ambassade états-unienne à Bagdad. Je crois même que c'est le dernier diplomate américain à avoir rencontré Saddam Hussein. Pour les Américains, c'est un authentique héros, car il s'est battu pour permettre à ses concitoyens de quitter l'Irak. Seule raison de s'étonner, Wilson est proche des démocrates. En tout cas, c'est un homme dont on ne pourra mettre en doute la parole. Et que lui demande-t-on exactement? De réunir des preuves sur cet achat d'uranium nigérien par l'ambassadeur irakien. Et avant son départ, en février 2002, des gens de la CIA lui ont affirmé qu'un protocole d'accord a été signé entre l'Irak et le Niger à ce sujet. Vous voulez dire qu'il fallait un peu le préparer? Ça y ressemble, non. Et pourtant, à la CIA, on était plutôt sceptiques. Mais la pression des néocons était telle que les experts de l'agence sont obligés de s'incliner, quitte à travestir la vérité. Et là, la mission de Wilson? Au Niger, il voit beaucoup de monde. Des politiques, des diplomates, des hommes chargés de la production et de l'exportation de l'uranium. Et très vite, ils ont conclu que le Niger n'a pas livré d'uranium à l'Irak. Mais comment peut-il être aussi catégorique? Le Niger a prévendu sa production de minerais à la France, essentiellement, mais aussi au Japon. Donc, même si l'Irak voulait acheter de l'uranium, il ne pouvait pas être servi. Et quand Wilson revient aux États-Unis, alors? Il fait son rapport et n'entend plus parler de rien. Un rapport qui doit décevoir la Maison-Blanche. C'est certain. Mais disons-le tout de suite, ça n'entame en rien la volonté des dirigeants états-uniens d'affirmer que l'Irak cherche à se doter de l'arme nucléaire. La preuve, c'est que les Américains, décidément tenaces, relancent la DGSE un mois plus tard, en avril 2002, donc. Et cette fois, alors, que demandent-ils? La même chose. Et quand les Français objectent qu'ils ne trouveront rien de plus que la première fois, Tenet, le patron de la CIA, a cette réponse formidable. Si c'est possible, c'est probable. Il me faut aussi dire que les Américains ne sont pas venus les mains vides. Ouais. De l'argent? Non, des documents. Ce rapport que les Italiens leur ont remis quelques mois plus tôt. Des documents réputés provenir de l'ambassade du Niger à Rome et qui établissent que la visite officielle au Niger de l'ambassadeur irakien au Vatican n'était qu'une couverture pour conduire sur place des négociations secrètes avec le chef d'État, Mamadou Tanja, pour acheter du yellow cake. Figure aussi, parmi d'autres papiers, un contrat d'expédition vers l'Irak via Lomé au Togo et Cotonou au Bénin de centaines de tonnes d'uranium nigérien. C'est quand même troublant, non? D'accord. Mais d'abord, les meilleurs connaisseurs de l'Irak au sein de la DGSE estiment qu'il est impensable qu'une affaire aussi sensible soit traitée en dehors du premier cercle du clan familial présidentiel irakien. Ouais, un cercle auquel l'ambassadeur au Vatican n'appartient pas. Donc pour la DGSE, tout ça, ça sonne faux. Mais surtout, les agents français ont déjà vu ces documents. Ils sont parfaitement identiques à ceux que leur a présentés Rocco Martino en 2001. et que la DGSE a jugé bidonné. Hein. Donc, dans ces conditions, est-il encore utile d'envoyer une nouvelle mission au Niger ? Pour faire plaisir aux Américains ? Oui. Oui, l'enquête est confiée à Alain Chouet, le chef de service de renseignement de sécurité, une nouvelle structure ultra spécialisée créée en 2000 au sein du renseignement extérieur et rassemblant 500 agents et spécialisés en particulier en matière de prolifération nucléaire et d'espionnage industriel. Chouet envoie donc une mission de 5 spécialistes au Niger. Mmh. Résultat ? Aucun, bien entendu. Ben oui, nouvelle déception pour les Américains. Et pourtant, ils persistent. C'est maintenant la presse qui va être manipulée. En octobre 2002, les documents, toujours les mêmes, se retrouvent entre les mains d'une célèbre journaliste italienne, Elisabeth Burba, qui travaille pour l'hebdomadaire Panorama, un titre de la presse Berlusconi. Et comment s'est-elle procurée ces documents ? Oh ben, ils lui ont été donnés par un homme d'affaires italien en qui elle a entière confiance, car par le passé, il lui a autrefois fourni la matière d'un scoop. Ce qu'elle ignore, peut-être, c'est que cet homme travaille comme consultant sur les questions de sécurité pour le SISMI. Encore le SISMI. Qui, comme vous le devez déjà le penser, joue un grand rôle dans cette mystification. On en reparlera. Quoi qu'il en soit, la journaliste demande à sa rédaction en chef l'autorisation de mener sa propre enquête au Niger pour vérifier l'histoire. Oui, réflexe normal, professionnel. Hein. Oui. En octobre 2002, Burba se rend donc au Niger. Et parvient aux mêmes conclusions que Wilson et les agents de la DGSE. Rien ne prouve que le Niger a récemment vendu de l'oxyde d'uranium à l'Irak. En tout cas, la journaliste estime qu'elle a là un beau sujet d'article, mais la rédaction en chef de Panorama refuse de publier son papier. C'est la presse Berlusconi, avez-vous dit. Hein. Mais donc ça ne vous étonnera pas, il a toujours été très proche des Américains. Et à l'époque, il ne faut pas l'oublier, il était chef du gouvernement. Il n'empêche que cet épisode pose pas mal de questions. Et d'abord celle-ci. Qui a laissé circuler le vrai faux dossier nigérien ? En Italie, mais aussi dans les cercles influents aux États-Unis et dans la presse américaine. Ouais. Ben, j'imagine que ce sont ces néo-conservateurs, là. Qui savent pourtant que tout est faux dans cette liasse de documents. Ouais. Donc c'est à dessein qu'ils essaient d'abuser l'opinion. Bien évidemment. Mmh. Bon, revenons un instant vers Elisabeth Burba. Quand elle s'aperçoit que la guerre est inéluctable, elle est épouvantée, parce qu'elle sait que la justification du conflit qui va éclater repose sur un mensonge. Même son informateur lui a avoué qu'il s'était fait rouler. Alors, elle tente à nouveau de publier son article au lendemain du discours de Bush sur l'état de l'Union en janvier 2003. Mais une fois de plus, sa hiérarchie fait barrage. Et Wilson, alors, aux États-Unis ? Ah ben lui aussi tombe des nues lorsqu'il entend George Bush. Bush qui annonce sans ciller, le gouvernement anglais a appris que Saddam Hussein a récemment cherché à acquérir une quantité significative d'uranium en Afrique. Alors que fait Wilson ? Bah, sans doute par patriotisme, il ne bouge pas. Enfin, pas tout de suite en tout cas. Mais un peu plus tard, en mai. Donc après le déclenchement de la guerre. Hein. Oui, il évoque donc l'affaire au cours d'une réunion du Parti démocrate. Un journaliste était présent. Il a immédiatement compris qu'il tenait là une information de premier plan. Et au début du mois de juillet 2003, alors que la guerre était officiellement terminée en Irak... La guerre, mais pas la violence, hein. Donc, en juillet, le New York Times publie un éditorial signé par Wilson lui-même sous le titre « Provocateur », ce que je n'ai pas trouvé en Afrique. Et il y dénonce les mensonges de Bush à propos de l'uranium nigérien. Pour la Maison-Blanche, passez-moi l'expression, c'est une vraie tuile. Et les néocons vont réagir avec une rare brutalité. Patrick Pénaud, Rendez-vous avec X. Parmi ces néocons de la Maison-Blanche, il faut distinguer Karl Rove, le conseiller le plus influent de George Bush. D'aucuns diraient son mauvais génie. Extrait de New York Review of Books sur les méthodes de Rove. La carrière de Rove en tant qu'acteur politique a toujours été marquée par des coups bas, que lui-même préfère appeler des ruses. Les clients de Rove, y compris George W. Bush, ont toujours réussi à se tenir à l'écart de ses campagnes de dénigrement, affirmant qu'il n'avait rien à voir avec elles. Les candidats pris en main par Rove ont toujours pu dire, sans mentir, qu'ils menaient une campagne propre et fondée sur les enjeux politiques, parce que Rove exécutait la sale besogne sans jamais impliquer ses clients. Il passait des coups de fil aux journalistes, fournissait des documents, produisait des témoignages accablants émanant de tiers. Cette tactique, qui constituait déjà un outil des campagnes électorales modernes, a été portée par Rove à un nouveau stade de raffinement. À la Maison-Blanche, c'est Karl Rove qui se charge de mener la contre-offensive après les révélations de Joe Wilson. Ce conseiller politique dispose d'un pouvoir énorme, comme peut-être jamais un conseiller n'en a eu à la Maison-Blanche, à tel point que certains journalistes prétendent qu'il est le cerveau de Bush. Ce qui n'est guère respectueux pour le président. Alors que va faire Rove ? Il passe à l'attaque, et directement ou indirectement, il fait passer des informations à la presse. Des informations confidentielles sur l'épouse de Wilson. Le premier qui ouvre le feu, si j'ose dire, est un chroniqueur, un certain Robert Novak, proche des néocons. Il dévoile l'identité de l'épouse de Wilson, Valérie Plame, qui fait partie de l'élite des agents de la CIA, travaillant incognito à l'étranger, sans aucune couverture officielle. Oui, avec cette révélation, on compromet donc la carrière de cette femme. Et on met aussi sa vie en danger, car cette femme travaille dans un domaine à risque, les armes de destruction massive. Mais, attendez, quel est l'objectif poursuivi là ? C'est très simple. On insinue que c'est Valérie Plame qui, en raison de sa situation à la CIA, a fait désigner son mari pour effectuer une mission au Niger. Ah oui, ce qui, d'une certaine façon, discréditerait le rapport Wilson. Wilson, démocrate, est donc adversaire politique de Bush, je vous le rappelle. De connivence avec son épouse, il aurait donc produit un rapport mensonger pour embarrasser le pouvoir. Mais cette réaction de la Maison-Blanche, là, ressort plutôt de la vengeance, non ? Parce qu'on n'a rien à reprocher à Valérie Plame. Une vengeance, certes, mais aussi une sorte d'avertissement adressé à Wilson. Quoi ? Cesser de prétendre que Bush a menti ? C'était mal connaître Wilson. Wilson, qui n'est pas décidé à se taire et qui a même reçu le prix du patriote américain décerné par plusieurs universités. En tout cas, l'attaque de Wilson a fait très mal, puisque la riposte organisée par la Maison-Blanche est allée très loin, ou trop loin. Aux États-Unis, divulguer l'identité d'un agent de la CIA, c'est un crime fédéral qui peut être sanctionné par plusieurs années de prison. Et la justice diligente une enquête ? Dès le mois de décembre 2003, une chambre spéciale est constituée. Il lui faut découvrir l'origine de la fuite. George Bush, en personne, est interrogé durant plus d'une heure par le procureur chargé de l'affaire. Il est aussi demandé aux journalistes qui ont relayé l'information sur l'identité de Valérie Plame de révéler leurs sources sous peine de poursuite. Comme ces journalistes refusent avec raison de s'incliner, deux d'entre eux, travaillant pour le Time et le New York Times, sont incarcérés. Et ce type, là, Novak, qui a le premier dévoilé l'identité de l'épouse de Wilson ? Celui-là, très curieusement, n'est pas poursuivi. Et c'est difficilement compréhensible, à moins qu'il n'ait bénéficié de protection occulte à un très très haut niveau. Oui. Mais justement, est-ce que le procureur a pu identifier les gens proches du pouvoir qui ont informé la presse ? Un seul a été inquiété après que la journaliste Judith Miller a fini par indiquer que sa source était Lewis, Libby, le directeur de cabinet du vice-président. Dick Cheney. Oui, donc qu'on remontait très haut. Libby a donc été jugé, condamné, mais Bush n'a pas tardé à le gracier. Bush qui n'a jamais lâché son conseiller Karl Rove. Or, je suis persuadé que l'attaque contre Wilson et sa femme a été orchestrée par Rove. En tout cas, ça a permis aussi de jeter un coup de projecteur désastreux sur certaines pratiques de la Maison-Blanche. De quoi vous voulez parler, là ? D'un étrange personnage, un certain Gannon, un pseudo-journaliste qui a aussi été impliqué dans la contre-attaque de Karl Rove contre Wilson et son épouse. Un drôle de type qui disposait d'une accréditation de la Maison-Blanche pour les conférences de presse présidentielles et qui était là pour poser les bonnes questions. Bon, je ne peux pas en dire plus, car le rôle de ce type est encore obscur. Je peux simplement ajouter que le personnage est aussi l'animateur d'un site internet porno. C'est étrange, hein ? Oui, étrange. Enfin, revenons à la genèse de ce dossier, c'est-à-dire à ce fameux rapport truqué sur les pseudo-ventes d'uranium nigérien. Les premiers à dévoiler le poteau rose sont deux journalistes de La Repubblica, un quotidien décidément très en pointe sur cette affaire. Et que révèle-t-il exactement, hein ? Dans plusieurs articles de juillet 2003, puis de la fin octobre 2005, il démontre que les documents proviennent d'une énorme escroquerie aux renseignements. Ils ont été fabriqués entre Noël 2000 et le 1er janvier 2001 à l'ambassade du Niger à Rome. Et par qui ? Ben, par des Nigériens qui avaient à leur disposition des tampons volés et des lettres en tête. Puis ils ont été remis à Rocco Martino qui a tenté de les vendre aux Français avant de les faire circuler en Grande-Bretagne puis aux États-Unis. Mais qui aurait commandé ce travail de faussaire à ces Nigériens de l'ambassade ? C'est effectivement la question essentielle. Selon les journalistes de La Repubblica, l'instigateur de la manipulation serait Rocco Martino. Il aurait tout manigancé avec l'aide d'un vieil ami, Antonio Nucera, responsable d'une section du SISMI et bon connaisseur de l'Irak de Saddam Hussein. C'est Nucera qui aurait dirigé Martino vers un espion dormant du SISMI au sein de l'ambassade nigérienne à Rome, sans doute le premier conseiller. Alors, selon cette version-là, le véritable cerveau serait donc plutôt Nucera, là. Nucera, personnage important au sein du SISMI. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Nucera aurait été directement téléguidé par sa direction. C'est logique, non ? Vous n'avez pas cessé de souligner que le SISMI était présent à tous les stades de cette affaire. Et je crois que vous avez raison. À mon avis, c'est le chef du SISMI, Niccolo Polari, qui est à l'origine du montage de cette machine infernale. Sans doute en parfait accord avec le chef du gouvernement. Silvio Berlusconi. Oui, Berlusconi, qui avait très envie de faire plaisir à ses amis américains. Ouais, peut-être, mais attendez. Pourquoi Rocco Martino a-t-il été proposé ces documents truqués aux Français ? N'était-il pas plus simple de les transmettre directement aux Américains qui en avaient besoin, eux, pour justifier leur future invasion de l'Irak ? Non, je vous explique. En raison d'abord des liens étroits que la France entretient avec le Niger, son ancienne colonie. Ensuite, puisqu'on savait déjà que Paris n'était guère enclin à aller se battre en Irak. C'était donc ajouté à la crédibilité de ces documents s'ils étaient transmis par Paris. Oui, à condition que la DGSE, elle, les trouve crédibles. Et ça n'a pas été le cas. Grave déception pour les initiateurs de l'opération. Naturellement. Mais ils n'ont pas tardé à réagir en s'adressant aux Britanniques qui, eux aussi, avaient envie de donner satisfaction aux Américains. Ça m'étonne quand même. Hein. Les services secrets anglais sont réputés pour leur sérieux. Certes. Mais ont-ils été réellement consultés ? N'oubliez pas que c'est le cabinet de Tony Blair et ses conseillers qui avaient pris tout en main dans cette période précédant le déclenchement de la guerre du Golfe, au point d'imposer à leurs services de renseignement de rédiger de faux rapports sur les ADM irakiennes. Souvenez-vous de la malheureuse affaire Kelly, ce chercheur qu'on a poussé au suicide. Oui, à moins qu'on ne l'ait assassiné. Hein. Vous avez raison. Et c'est une hypothèse très sérieuse que j'ai développée lors de l'un de nos entretiens, souvenez-vous. Et comment a-t-on réagi alors en Italie après que les journalistes de La Repubblica eurent publié leur enquête ? L'affaire a fait scandale. Berlusconi a naturellement tout fait pour l'étouffer. Et le pouvoir a même échafaudé un étrange contre-feu. Mais quoi ? Pour se dédouaner d'avoir monté de toutes pièces cette manipulation, les services secrets italiens n'ont rien trouvé de mieux que de refiler la patate chaude à leurs homologues français. Mais comment ? Ben, ils ont monté une campagne de presse sur le thème suivant. L'origine de ce pataquès gigantesque est à chercher à Paris. C'est sérieux, ça ? Tout à fait. Le chef du SISMI, Niccolo Polari, a affirmé à plusieurs journaux italiens que Rocco Martino travaillait en réalité pour les Français et que c'était ces derniers qui avaient transmis les faux documents aux Américains. Ouais, donc en sachant que c'était des faux. Absolument. Mais attendez, dans quel but, là ? Bah, effectuer une opération machiavélique. Écoutez bien. Ainsi, les Français auraient induit les Américains en erreur afin de les inciter à intervenir en Irak, pour mieux les condamner ensuite devant l'opinion internationale. Et le patron du SISMI de prétendre que c'est Jacques Chirac en personne qui était à la manœuvre. J'imagine que la DGSE a dû infirmer cette thèse ubuesque. Bien entendu. Et c'est Alain Chouet, l'homme qui avait justement été chargé à la demande des Américains d'enquêter au Niger, qui a riposté. Il a démonté les accusations du SISMI en reconstituant les dates et en démontrant que rien ne collait dans ce montage. Et surtout, contrairement à ce que le SISMI prétendait, il a affirmé que Rocco Martino n'avait jamais été un agent français, même s'il avait été épisodiquement en contact avec la DGSE. Dites-moi, ça n'a pas dû arranger les rapports entre les deux services? Évidemment, car l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Cerise sur le gâteau. Quelques mois après l'invasion de l'Irak, un vice-procureur de Rome s'est rendu en France avec l'accord du parquet de Paris pour signifier à Alain Chouet sa mise en examen pour complicité de dissimulation d'armes de destruction massive. Mais pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas dénoncé les trafics d'uranium à destination de l'Irak. Mais c'est absurde, puisqu'on savait maintenant que tout était faux. Et finalement, vous pensez bien que la procédure italienne a été annulée. Mais la hargne du SISMI ne s'est pas calmée pour autant. Un mois après l'invasion de l'Irak, en avril 2003, la presse italienne, suivie par la presse britannique, a dénoncé la violation en 1994 de l'embargo qui frappait l'Irak par deux entreprises françaises, Dassault et Thomson. Sur quelle base? L'opération s'appuyait encore une fois sur un faux document et a vraisemblablement été téléguidée par les néocons de Washington afin de punir Paris pour son veto à l'ONU. Un refus d'entrer en guerre qui ne s'expliquerait que par sa complicité de toujours avec Bagdad. Et notez bien que certains ont un peu de la même manière expliqué cette affaire de l'uranium nigérien. C'est-à-dire? Les services italiens n'auraient monté cette mystification que pour ternir l'image de la France. En la mouillant dans cette vraie fausse affaire, on lui aurait fait payer son refus de participer à la coalition des alliés contre l'Irak. Un titre pour finir, l'histoire politique des services secrets français, un gros ouvrage très détaillé, très précis, de Roger Faligaud, Jean Guinel et Rémi Koeffer. À samedi prochain, sur franceinter.fr, vous trouverez, comme d'habitude, des renseignements complémentaires sur cette émission qui a été préparée par Rebecca de Nantes, réalisée par Michel Billoux et mise en musique par Monsieur Djoub. Tout de suite après le flash, c'est au de mon amour de Denis Chessou.